Benvinguts al nostre espai, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Un cop més, ens acostem a Hola La Music, el nostre programa número 5 d'aquest espai. No entenc la lletra, no la parlo, no m'acaba de convèncer, però les cançons són fantàstiques. Les cançons, els seus missatges, la proximitat, aquesta sonoritat que té el francès quan ens canten cançons com les que avui escoltarem, a càrrec de la selecció musical que us porti jo mateix, però també la de tots els nostres protagonistes que ens acompanyen, amics que fan que aquest programa sigui de tots. És un plaer estar aquí i avui, amb les col·laboracions habituals de l'Àngel Rodríguez, d'en Hamid i d'en Cyril Torres. I afegim a un oient que no ens parlarà, però sí que ens tria música per al nostre programa, que ens fa una selecció, unes recomanacions, i que surten directament del seu cor de persona increïble. Avui contem amb la Norma, que ens anirà portant unes seleccions musicals cada principi del nostre programa. I avui, amb aquest dia, doncs deixem que ella ens comenci el programa amb música dels poemes del Jacques Prévert. Una delícia, segons ella mateixa. I cançons cantades per un dels millors intèrprets que hi ha hagut de la música francesa. Comencem el nostre programa d'avui donant la benvinguda a la cançó Bàrbara cantant Yves Montand. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin. Dont il ne reste rien. Excel·lent aquesta primera interpretació del programa d'avui a càrrec d'Yves Montand, que va néixer com a Ivo Libby. Era el seu autèntic nom d'aquest genial intèrpret del music hall de la cançó francesa de la postguerra. Va néixer a Itàlia, traslladant-se poc després al costat de la seva família, al costat de Marsella, a Occitània, França. El 1944 va ser descobert per Edith Piaf a París. El protagonista de les composicions és Jacques Prévert, que va néixer l'any 1900 i va morir el 1977, poeta, autor teatral i guionista cinematogràfic francès excepcional, també participant del moviment surrealista de París, membre actiu d'aquell grup conegut com a la Rue de Chateau, al costat de Raymond Queneau i de Marcel Duhamel, entre molts d'altres. Un personatge molt important en moltes pel·lícules i també amb el començament, amb una d'elles del mateix Yves Montand que avui escoltem. Les Fulles Mortes és una extraordinària cançó molt versionada que ens portava la composició en Jacques Prévert i una de les versions més conegudes de la qual és la de Yves Montand, una cançó que fa plorar, una cançó que s'assembla amb una parella en la qual tots dos estimaven, però que la vida els separa, perquè la vida separa els que s'estimen. La mar esborra sobre la sorra els passos dels amants separats. Aquesta cançó l'escoltarem per recomanació de la nostra oient en la versió en directe que en va fer a l'Olimpia el mateix Yves Montand uns anys després. És una mica més llarga i a més hi ha unes estrofes que no es troben en la cançó original. L'escoltem des de l'Olimpia, Les Fulles Mortes, amb Yves Montand. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Directe de Yves Montand amb aquestes fulles mortes directament des de la seva actuació a l'Olímpia amb els seus comentaris sobre aquesta cançó. Tanquem per aquest programa, però n'hi haurà moltíssims més, espero, no només d'aquest oient, sinó de tots els oients que vulguin participar en la realització d'aquest programa. La música francesa en francès és molt àmplia, sigui del país que sigui, de les contrades que sigui, fins i tot feta a Catalunya. Em posarem moltíssim i també m'agradaria que tots vosaltres, tots vostès, hi col·laboressin per fer-nos arribar les seves peticions, les seves dedicatòries, els seus artistes preferits, la seva música, els seus estils. Acabem amb una cançó que deixa la nostra oient sense paraules, amb una lletra absolutament genial i una interpretació d'aquest geni, com ella defineix, a Yves Montand. Una cançó que segueix sent del Prévert. Dans ma maison, dins la meva casa, és el tema de Yves Montand, també per al programa d'avui. Dans ma maison vous viendrez, d'ailleurs ce n'est pas ma maison, je ne sais pas à qui elle est, je suis rentré comme ça un jour. Il n'y avait personne, seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison, personne n'est venu. Mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois le matin, je poussais des cris d'animaux, je gueulais comme un âne de toutes mes forces. Et cela me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous amènent très loin quand vous voulez aller très loin, et puis quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bêtes, comme ses pieds gais comme un pinson. Ouais, le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai et triste quand il est triste. Ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, pinson, pinson, pinson, pinson, pinson. Pinson. Comme c'est curieux, les noms. Martin Hugo Victor de son prénom. Bonaparte Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert, l'empereur s'appelle Dromadaire, il a un cheval caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms, il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui, beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras, je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout avec ta bouche rouge comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà, dans ma maison, qui n'est pas ma maison, tu viendras. Doncs fins aquí, amb una cançó més, això sí, aquest començament del programa número 5 de Olala Music, el programa que ens parla en francès i amb la seva música. Després d'escoltar una darrera proposta de la nostra oient, des d'aquí les gràcies a la Norma, i animar a més oients a enviar-nos els seus temes i els seus artistes preferits amb un correu electrònic que podeu enviar-lo directament al meu correu rafelcorbi@gmail.com rafelcorbi@gmail.com. Després d'aquest tema, els infants que s'estimen amb Yves Montand. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit, et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne, et c'est seulement qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie, les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. Els encanta la música i a nosaltres també ens encanta la música, els nois, els enfants que ens cantava Yves Montand. Deixem estar aquí aquesta introducció amb el nostre programa i passem amb el nostre primer dels convidats habituals d'aquest espai que ens porta la música en francès. És concretament l'Àngel Rodríguez, que una vegada més se'ns acosta amb la seva recomanació. Bon dia, Àngel. Què tal, Rafel? Avui us recomano una cançó que al nostre país va passar força desapercebuda, però que als països francòfons va agradar molt. La filla d'Ivan, la filla del vent. El seu intèrpret és Pierre Gros-Colas, nascut l'any 1946 a Algèria, però que després es va fincar a París. Va ser compositor de Johnny Holiday o de François Hardy, d'entre altres. Pierre Gros-Colas, filla d'Ivan. Fille du vent et du soleil, au fond de mon cœur tu éveilles charme et de plaisir. Moi, je me sens devenir roi. Esteu escoltant Ulala Music. Je vois dans vos yeux le reflet de mon visage. Je dois à tout prix éviter ce voyage. Ce soir, je me lèverai debout. C'est promis, je partirai d'ici avec vous. Mais avant tout, je dois dormir un peu. C'est ce qui arrive quand on est vieux. Je promets qu'après, je vous ferai sourire. En racontant encore mes nombreux souvenirs. Le temps a fait son œuvre, mais je ne peux écouter. Qui est-il pour me dire que je dois m'en aller? Mais comment me retrouverez-vous au ciel? Est-ce qu'il faudrait se donner? Avoir avec moi, avoir su j'aurais choisi les draps de soie. Ne remarquez surtout pas le décor, je n'ai tout simplement pas eu le temps encore. Ta main sur la mienne me rassure un peu quand je dois fermer tout simplement les yeux. Cette musique que vous chantez ce soir me fait revivre le plus beau de mon histoire. Le temps me fait de l'œil et je vais l'écouter. Mais juste avant, je vais me reposer. Comment me retrouverez-vous au ciel? Est-ce qu'il Música contemporània amb el programa d'avui a càrrec d'una cantant quebequesa excepcional, protagonista també del 2003 en la primera edició de Star Academy, un programa de la televisió quebequesa, tipus Operación Triunfo a l'estat espanyol, per exemple. També cantava la cançó dels Jocs Olímpics de l'any 2010 de Vancouver, I Believe J'imagine, en una cançó en anglès i francès. És una cantant nascuda el 5 de maig del 1983 a Jonquière, al Quebec, i que ens ha portat excel·lents àlbums des del primer que va realitzar, debutant l'any 2005. Avui escoltarem alguna cançó del seu quart àlbum, editat el 25 de setembre de 2012, Tell Kell, és el títol d'aquest àlbum, en el qual té cançons realment precioses. És un àlbum molt íntim per ella mateixa, és un àlbum que agrupa cançons que han tractat i que tracten de temes importants per la cantant, com l'amor a distància, importantíssim, l'amor fraternal, la mort d'una persona molt pròxima, o fins i tot el suïcidi. L'àlbum va ser realitzat per Guy Tourville i l'Annie va ser qui va escriure i compondre la majoria dels textos i de les músiques. En Marc Dupré va ser un col·laborador molt especial amb aquest àlbum. La cançó que acabem d'escoltar és una mostra del que dèiem d'acostar-se, d'aquest sentiment d'aquesta bellíssima cantant, la cançó per al seu avi, és aquesta peça que acabàvem d'escoltar. Una de les cançons va ser número diverses setmanes al top de la llista francòfona de la zona canadenca. Era Le Sais Tu, aquesta cançó que escoltes ara, que escolteu ara, amb Annie Villeneuve. Sais-tu combien je t'aime? Depuis que j'ai rencontré tes yeux, ils m'ont parlé sans gêne, ils m'ont fait des aveux. Le sais-tu combien je vis? Depuis que je t'ai sous la peau, je n'ai rien vu venir. T'as changé mon scénario. Le sais-tu combien j'y crois? Depuis ta première chanson, tout est plus fort que moi, plus loin que l'horizon. Le sais-tu combien je suis? Depuis la première seconde, t'as retourné ma vie sans le dire à personne. Prépare-toi pour la route, on s'en va faire. On sera loin l'un de l'autre. T'as qu'à lever les yeux au ciel, vois le soleil qui te frôle. C'est toi que je regarde le même. Ça nous rapprochera assez pour ne pas s'oublier le cœur. Jusqu'au retour, je t'aimerai en comptant les secondes des heures. Prépare-toi pour la route, on s'en va faire. Tanquem aquest record d'aquesta interessantíssima cantant, aquesta Annie Villeneuve, cantant en francès des del Quebec, i ho farem amb una cançó especial també d'aquest disc, d'aquest seu quart disc del 2012, aquest Child Kell. Era la cançó anomenada Estima'm només, encara que sigui per un dia. T'as déjà aimé pour toujours, moi je veux que tu m'aimes pour aujourd'hui. T'as déjà aimé pour la vie, alors aime-moi pour un jour. Et lorsque sonnera minuit, tu m'aimeras pour toute la nuit, mais ne m'aime pas pour toute la vie. Et les bouteilles que l'on débouche, on se les vide le jour même. Je ne fais confiance à ta bouche que lorsqu'elle se pose sur la mienne. Faut pas que les mois nous étouffent et que les années nous étreignent. Ne m'aime pas pour toute la semaine. Je veux t'aimer pour la seconde où le frisson me traversera. Il n'y a que maintenant qui compte, pour ce qui est de plus tard on verra. T'as déjà aimé pour la vie, il a suffi que j'apparaisse pour que soudain tu sois ici, pour que tu rebrousses promesses. T'as déjà aimé pour la vie, et puis peut-être que c'était vrai. Peut-être qu'elle t'attend, qu'elle s'ennuie, et peut-être que t'as des regrets. M'as-tu aimé pour toute la vie, même un instant, même en secret? Si tu l'as fait, je t'en supplie, arrête, arrête. J'ai jamais aimé pour toujours, mais de temps en temps j'en ai envie. Et c'est avec toi mon amour que je voudrais faire des folies. J'ai jamais aimé pour la vie, j'ai peur que ça porte malheur. Mais si tu devenais mon mari, peut-être bien qu'au fil des heures on finirait par s'être aimé assez souvent, assez longtemps pour être capable de s'admirer avec nos rides et nos cheveux blancs. T'as déjà aimé pour la vie, aime-moi plutôt maintenant jusqu'à nous faire des enfants. Ja portem unes quantes edicions del nostre programa i cada setmana ens anem descobrint, i a mi meravella la música que en Ciril Torres, el meu company i amic, ens porta a tots vosaltres cada setmana per fer-nos gaudir, per fer-nos viatjar arreu del món amb la música en francès. Avui de ben segur que ens porta per tots nosaltres una altra sorpresa d'aquelles que primer caurem de culs i després disfrutarem escoltant. Endavant, Ciril. Bonjour, Rafael, bonjour tout le monde, i doncs portem per compartir una peça que a mi m'agrada, realment. És un clàssic de la música pop dels anys, em penso, 60-70, de Michel Fugain, que és la seva cançó més coneguda de lluny, i segurament l'heu posada en algun moment en aquest programa. Jo el que us porto, doncs, evidentment, no és directament això, sinó que és una versió, i és una versió d'un colombià que viu a París i que és un dels grans de la salsa, com és Yuri Buenaventura. I el tema que us dèiem de Michel Fugain és Une belle histoire. Salsa. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers les brouillards, et les descendait dans les midis. Les midis, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient les ciels à portée de main, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? caché dans un tronçon de blé, se laissant porter par les courants, se sont racontés la vie qui commençait. Il n'était encore que des enfants, des enfants. Escoltant ara mateix, després de la col·laboració excepcional, com sempre, aquest tema de música en salsa increïble de Cyril Torres, el que anem a fer és escoltar una versió d'un tema triomfador a l'estat espanyol, però que també va conèixer la seva versió en francès. L'èxit de Soy Rebelde, de la Jeanette, es va traduir en versions de la cançó en anglès, en francès i en japonès. Poc després, la mateixa Jeanette va acceptar interpretar aquest tema d'en José Luis Perales, ¿Por qué te vas?, que en un principi va passar bastant desapercebut. Dos anys després, la seva incorporació a la banda sonora de la pel·lícula Cria Cuervos, d'en Carlos Saura, la va convertir en un gran èxit, en la seva corresponent versió en francès. També es van fer adaptacions en alemany, rus, finlandès, japonès i anglès per altres artistes, i va comptar amb versions de gent com Manu Chao, Ataque 77, Tijuana No, o l'actriu Laura Sinclair. Si en castellà el seu títol era una afirmació, ¿Por qué te vas?, en francès es va convertir en una pregunta. ¿Por qué vives? ¿Per què vius? L'escoltem amb Jeanette. On t'a fait un monde trop petit pour tes idées, pour l'appétit de tes grands yeux écarquillés sur l'infini. Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents, de cet adulte qui te dit qu'il a raison et qui te ment. Toi, tu es né pour la folie, pour la lumière, pour tes pays peuplés de rois. Tu te demandes dans ta nuit de prisonnière, pourquoi tu vis et où tu vis. la folie, pour la lumière, pour tes pays, peuplé de rois. Et tu te demandes dans ta nuit de prisonnière, pourquoi tu vis et où tu vas. Ser l'única, i n'anirem recuperant amb els nostres programes de cançons destacades a nivell espanyol, a nivell català, però també a nivell anglès, amb grans temes clàssics que també es van tenir la seva versió, de vegades amb els artistes originals, de vegades amb altres en francès. Una d'elles, per exemple, va ser el 1991, una cançó conegudíssima i preciosa de la formació Mecano, que es deia Hijo de la Luna. La recordem també cantada en francès, però amb el títol canviat, es deia Digue'm, Lluna d'argent. La légende qui compte dit qu'une gitane implora la lune jusqu'au lever du jour. Pleurant, elle demandait un gitan qui voudrait l'épouser par amour. Tu auras ton nom. S'il répondit la pleine lune, mais il faut me donner ton enfant le premier dès qu'il te sera né. Celle qui pour un homme son enfant immole bien peu l'aurait aimé. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Ah, ah, ah, ah. Hijo de la luna, la jute en cannelle. Comme un hermine, il était blanc. Ses prunelles grises, pas couleur olive, vis à vis de lune. Maudit soit-il bâtard, t'es le fils d'un gaucho, t'es le fils d'un lafare. Lui, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Hijo de la luna, comment sa femme a la trouvé? L'enfant n'est pas de moi, tu m'as trompé, je à mort, il la blessa. Et l'enfant dans ses bras, la colline monta là où l'abandonna. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant, ah, ah, ah, ah. L'école et la lune. les soirs où l'enfant joue et sourit, de joie aussi la lune s'arrondit. Et lorsque l'enfant pleure, elle les croit pour lui faire un berceau de lumière. Et lorsque l'enfant pleure, elle les croit pour lui faire un berceau de lumière. Estàs escoltant Olala Music, aquest programa amb Rafael Corbí, qui t'acompanya i et fa la tria de la majoria de les cançons, però sabeu que en cada un dels nostres programes tenim un convidat, tenim diversos convidats, en l'Àngel, en Cyril i en Hamid, que ens acompanya també amb la seva tria musical. Bienvenue, Hamid, quel est votre choix pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on va partir à Marseille avec le Massila Sound System, elle existe il y a longtemps et il y a une chanson là qui a été un des hits, si vous voulez. Et la chanson, il s'appelle « Ils ont des pelotis ». Et les pelotis, c'est bien entendu, c'est les chaussures. C'est spécial pour toutes les filles qui aiment marcher la tête haute, toutes celles qui portent les pilotis. Ah, bravo, là je dis bravo. Eh, les pilotis, tu ne connais pas ça. Tu te dis branché, non, non, tu ne l'es pas. Comme toutes les choses importantes ici-bas, telles que la pétanque ou bien le cinéma, la soudure à l'arc et le triple casar. Ils furent inventés à la Ciotat. Si par hasard tu trouvais cela obscur, tu apprendras qu'il s'agit de chaussures. C'est rue des poilus, mais je n'en suis pas sûr que la première fois elles apparurent. Elles ont des pilotis, ah, et ça rend tous les garçons fous. Ah, femme. Elles ont des pilotis, elles ont toutes grandi d'un coup. Ah, qu'elles sont grandes, dis. Elles ont des pilotis, et ça rend tous les garçons fous. Voilà. Elles ont des pilotis, elles ont toutes grandi d'un coup. Allez, nanana. Tu n'en as jamais vu, c'est vraiment un scandale. Les gâchis chez toi ne sont pas bien normales. Non, pas de sabots, non, non, pas de sandales. Les talons aiguilles à côté, c'est que dalle. Bottines, escarpins, tout ça paraît banal. Les filles du midi sont plus originales. Ah, c'est magique, il suffit de les mettre pour grandir d'un coup de 25 cm. Ça change tout, tu deviens un autre être. Sur pilotis, on peut tout se permettre. Et ça rend tous les garçons fous. Fadoli. Elles ont des pilotis, elles ont toutes grandi d'un coup. Écoute, tu peux trouver toutes les catégories. Elles en ont des blancs, des dorés, des vernis. Le jour, la nuit, elles mettent leur pilotis pour aller danser ou pour changer le petit. Pour travailler et même à ce qu'on dit, certaines les gardent pour aller au lit. Les petites ne veulent pas d'autres souliers. Même belle maman en a toujours au pied. À la Ciotat, bientôt dans le monde entier, les pilotis envahiront les quartiers. Elles ont des pilotis, oh, enfin. Et ça rend tous les garçons fous. Elles ont des pilotis, elles ont toutes grandi d'un coup. Elles ont des pilotis, et ça rend tous les garçons fous. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, oh, oh, oh, oh, oh. En faisant donc à ta petite amie tous les canons l'ont dans leur panoplie. Non seulement ça fait jeune et joli, mais c'est très utile aussi dans la vie. Sur le booster, ça sert de frein. Et dans la foule, tu vois plus loin. Au bord de l'eau, eh ouais, tu peux y aller. Les pantalons sont jamais mouillés. Pas de problème au magasin. La même. Tu veux atteindre les sommets, mais des pilotis, et c'est gagné. Des pilotis, ouais. Et ça mademoiselle, bonne chance pour tes pilotes. Non, moi je porte plus les pilotis. Hier je les ai cassés. Ah oui, c'est passé. Je suis tombée, je les ai cassés. Oui. Je me suis cassé le bras, tellement. Ah, c'est que ça. Oui, tant que donc, ça. Donc les pilotes, c'est dangereux. C'est dangereux les pilotes. Ils m'en est bien quand même là-dessus. Ouais. Ouais, bien sûr. Je les préconise. Merci mademoiselle. Y a pas de quoi. Vous êtes bonne. Tu les as les pilotes. Aquesta és una bona i divertida música que ens ha triat en Hamid, en Belmusic, mon ami. Merci. Les pelotis, Massim, sound system, c'est comme un coopératif, ils s'amusent, mais ils font des très belles chansons. La música continua i acaba el nostre programa i ho fa amb una versió exclusiva del segon senzill del primer àlbum de Victoria Beckham, que es deia Mind of Its Own. Va per lliure el cervell, el pensament, i aquest és el títol amb el qual vull acabar aquest programa ben especial. El meu cor no fa el que pensa el meu cap. Salutacions de Rafael Corbí. Hola, la music. Dépenses sans compter, mais c'est toujours moi qui paye.